Le temps passe sur la terrasse, je vois les feuilles qui passent et s'amassent. Je prends mon temps, me prélasse, il pèse dans l'air comme une odeur d'automne qui m'apaise ou m'agace, j'ai un doute. Qu'est-ce qui fait que je sacrifie mon temps? Si aller de l'avant, c'est brasser du vent. La saison à la couleur de sang me rendait mélancolique avant. Maintenant est un autre temps encore différent, fait de petits vides qui forment un grand tout comme une voix qui nous guide, tu l'entends. Le bon sens et l'optimisme fondent la base de mon raisonnement. Tranquillement, installé confortablement, j'écris et rencontre de mes tergiversations pour aller de l'avant et comprendre intensément ce qui peut bien se passer dans la tête des gens. Cet endroit décidément peu attrayant, il règne comme une atmosphère de faux semblants. Simple et belligérant de l'histoire qui se trame, pollution visuelle de la mode avec un peu de charme. Cet endroit décidément peu attrayant, il règne comme une atmosphère de faux semblants. Simple et belligérant de l'histoire qui se trame, pollution visuelle de la mode avec un peu de charme. Distraction publicitaire plébiscitée d'un joli monde, super et merveilleux. Tout ce qui est nouveau est certainement mieux que ce qui maintenant est devenu vieux. La gravité est un leurre lucratif, consommateur à l'air dubitatif. Tu deviendras sans nul doute, sans sens critique, un vulgaire automate répétitif. Pauvres victimes de leur propre lobotomie ne savent pas forcément qu'après la télé il y a une vie. Caricature de la vie dans le mode normal, fait office dans la tête de tsunami psychocérébral. Décidément peu attrayant, il y règne comme une atmosphère de faux semblants. Simple belligérant de l'histoire qui se trame, pollution visuelle de la mode avec peu de charme. Cet endroit décidément peu attrayant, il y règne comme une atmosphère de faux semblants. Simple belligérant de l'histoire qui se trame, pollution visuelle de la mode avec peu de charme. Cet endroit décidément peu attrayant, il y règne comme une atmosphère de faux semblants. Simple belligérant de l'histoire qui se trame, pollution visuelle de la mode avec peu de charme. Cet endroit décidément peu attrayant, il y règne comme une atmosphère de faux semblants. Simple belligérant de l'histoire qui se trame, pollution visuelle de la mode avec peu de charme.